je passe le balai. Limite dans les promesses, en parler. Laisse-moi dans mon cœur qui kiffe fumer la drogue de Marley. À part rien faire d'autre, ils savent que parler. Soudainement la vie de les rafales. J'ai fait la chronique, quitte à les faire paniquer. Comme la détonation de Brolic. Rien de compliqué, j'ai plus qu'à imposer tout le respect que je mérite. Encore un sale sens su de plus que j'ai dit. J'appelle ça la folie des soirs sous des termes maudites. À se retrouver mêlé aux sales fils de routier et vos profits. On n'est pas tous pareils mais j'tape le congé. J'ai pas cette maladie contagieuse de parler dans le vide. Y'a que dans le feu de l'action j'monte ce que j'ai dans le vide. Donc un fiche profite si j'te dis que ton sang est bon. Ne crois pas que j'suis juste la vie. Les sales rumeurs c'est comme le das, ça se circule vite. Ils savent que parler. Devant ma porte je passe le balai. Limite dans les promesses, remballer. Laisse-moi dans mon cœur qui kiffe fumer la troupe de marais. À part rien faire top, ils savent que parler. Devant ma porte je passe le balai. Limite dans les promesses, remballer. Laisse-moi dans mon cœur qui kiffe fumer la troupe de marais. Vas-y prends note, qu'on ait eu le sens d'avoir des potes. Plus facile d'accuser les autres que d'assumer ses fautes. Les oreilles cibles comme des meufs, ils papotent. Motherfuck, le son de merde, j'ai les coudes que dans les shots. Fuck. Qui se met des codes, MC victime de la mode. Plus rien de méthode jusqu'au jour où ils ont fait le rond des robes. Aujourd'hui je suis pas super commode. C'est l'heure de la révolte. Dans des banques, j'en verrai plus de vases sur mon pare-choc. Claque mon doigt, c'est Rago, dit à tous les autres. J'applique les trois sèches, mais si tes gueules me supportent. J'arrête de demander à personne de marchand de sable. Frappe à ta porte, impulsif, j'irai pas.